Comme oh que c'est bon. Il fait chaud. Gaspard le lézard, je ne supporte pas l'eau, et je suis le plus beau. Il fait chaud, sous les cailloux, je transpire. Fais comme moi les gars, allongez-vous et dormez. Étirez-vous les pattes et attention à vos queues. Il fait chaud sur tes genoux. Je respire. Yes.